Chapitre 4. Le capitaine Reig et Magdalen, rebroussant chemin, n'aperçurent Mrs. LeCount et son maître que lorsque North Shingles Villa réapparut à leurs yeux. Alors devinrent visibles, dans l'éloignement, la robe grise de la femme de charge, son parasol, et la débile petite figure vêtue de nankin que ce parasol protégeait. Le capitaine, aussitôt, ralentit le pas, et formula ainsi ses instructions à Magdalen pour la conduite qu'elle avait à tenir dans le cours de l'entrevue maintenant imminente. « N'oubliez pas de sourire, » disait-il. « À tous autres égards, vous êtes au niveau de la situation. La marche a ranimé votre teint, et ce chapeau vous sied à merveille. Regardez Miss LeCount bien droit dans les yeux. Prenez la parole sans montrer aucun embarras. Et si Mr. Noel Vanstone vous accordait une attention marquée, ne prenez pas trop garde à lui, tant que vous serez sous l'œil de la femme de charge. Songez bien à ceci. J'ai travaillé toute la matinée les dialogues scientifiques de Joyce, et c'est très sérieusement que je prétends consacrer à Mrs. LeCount tout le profit de mes études. Si je ne puis parvenir à détourner son attention de vous et de son maître, je ne donnerai pas 6 pence de toutes nos chances de succès. Avec cette femme, le papotage ne prendrait pas, les compliments non plus. La plaisanterie non plus, mais la science improvisée peut lui rappeler le professeur défunt. Et la science improvisée réussira, peut-être. Il nous faut établir un petit dictionnaire de signaux qui vous mette au courant de mes faits et gestes. Remarquez bien ce tabouret pliant. Lorsque je le passe de ma main gauche dans ma main droite, c'est Joyce qui va parler. Quand je le passe de ma main droite dans ma main gauche, Reig reprend la parole. Dans le premier cas, ne m'interrompez point. Je marche droit à mon but. Dans le second, dites tout ce qu'il vous plaira. Mes paroles ne signifient rien. Voudriez-vous une répétition? Êtes-vous bien sûr d'avoir compris? Fort bien alors. Prenez mon bras. Et que votre physionomie exprime le bonheur. Attention, les voici. La rencontre eut lieu presque à mi-chemin de Sea View Cottage et de North Shingles. Le capitaine Reig ôta son grand chapeau blanc et entama aussitôt l'entretien sur le ton le plus amical. « Bien le bonjour, Monsieur LeCount, » dit-il avec la politesse sincère et gaie d'un homme naturellement sociable. « Bien le bonjour, Monsieur Vanstone. Je suis fâché de vous voir aujourd'hui si mal portant. Mrs. LeCount, laissez-moi vous présenter ma nièce, Miss Bygrave. Cher enfant, voici Mr. Noel Vanstone, notre voisin de Sea View Cottage. » « Il faut nécessairement, Mrs. LeCount, frayer ensemble quand on habite à Aldborough. Il n'y a qu'une promenade possible dans toute la ville. Ma nièce le remarquait tout à l'heure, Monsieur Vanstone. Et chaque fois que nous sortons, c'est une nécessité que de se rencontrer ici. Pourquoi pas, d'ailleurs? Est-ce que nous sommes les uns ou les autres des gens formalistes? Pas le moins du monde, et tout au contraire. Vous possédez, Monsieur Vanstone, cette facilité de mœurs que donne le séjour du continent. » J'apporte, en revanche, dans nos relations la cordialité un peu brusque de l'anglais de vieille roche. Les dames se juxtaposent dans une variété harmonieuse comme des fleurs différentes sur la même couche, et de tout cela résulte un réciproque intérêt à nous rendre agréables les uns aux autres notre séjour au bord de la mer. Excusez, je vous prie, cette surabondance de bonne humeur. Excusez-moi de me sentir si joyeux et si jeune. C'est l'iodine contenue dans l'air marin, Mrs. LeCount. C'est l'effet bien connu de l'iodine que renferme l'air marin. Vous êtes arrivée hier, Miss Bygrave, n'est-il pas vrai? Dit la femme de charge, aussitôt que le capitaine en eut fini avec ce déluge d'expansion bavarde. Elle avait adressé cette question à Magdalen avec une sorte d'intérêt maternel pour sa jeunesse et sa beauté, tempéré par la déférente civilité que lui commandait sa situation dans la domesticité de Mr. Noel Vanstone. Du reste, pas le plus léger indice de soupçon ou de surprise ne se manifestait sur son visage, dans sa voix ou dans ses gestes, tandis qu'elle et Magdalen se regardaient à loisir l'une l'autre. Il était évident dès le début que le vrai visage, la vraie taille, livrée maintenant à ses regards, ne réveillait en elle aucun souvenir du visage et de la taille simulée qu'elle avait vue dans Vauxhall Walk. Le déguisement avait donc été assez complet pour déjouer même la pénétration de Mrs. LeCount. « Ma tante et moi, nous sommes arrivés hier soir, » dit Magdalen. « Nous avons trouvé très fatigante la dernière moitié du voyage. Je gagerais bien qu'elle vous a paru telle. C'était à dessein qu'elle avait ainsi prolongé sa réponse au-delà du nécessaire, afin de constater le plus tôt possible l'effet que le son de sa voix produirait sur Mrs. LeCount. Les lèvres minces de la femme de charge gardèrent leur sourire maternel. L'aimable attitude de la femme de charge ne perdit rien de sa déférence modeste. Mais l'expression de ses yeux changea soudain, et d'attentif qu'il était, le regard devint interrogateur. Magdalen ajouta paisiblement quelques paroles et s'arrêta de nouveau pour en vérifier les résultats. Le changement s'étendit alors par degrés à tout le visage de Mrs. LeCount. Le sourire maternel s'effaça, et dans l'aimable attitude on vit se glisser une légère nuance de réserve et de gêne. Cependant, nul symptôme de reconnaissance positive. La physionomie de la femme de charge demeura ce qu'elle avait été dès le début, une physionomie interrogatrice et rien de plus. « Vous vous plaigniez tout à l'heure, monsieur, d'être fatigué, » dit-elle, laissant tomber sa conversation avec Magdalen et s'adressant à son maître. « Ne voudriez-vous pas rentrer et prendre un peu de repos ?» Jusqu'alors, le propriétaire de Sea View Cottage s'était contenté de saluer, de sourire et, les paupières à demi-closes, de promener sur Magdalen un regard admirateur. On ne pouvait guère se tromper au trouble soudain, à l'agitation qui se manifestait en lui, et à la coloration plus vive de son blême petit visage. Même le tempérament de Mr. Noel Vanstone, tempérament d'animal à sang-froid, s'attiédissait sous l'influence du beau sexe. Il appréciait en fin connaisseur le mérite d'une jolie femme. La grâce et les attraits de Magdalen n'étaient point perdus pour lui. « Voulez-vous, monsieur, venir prendre un peu de repos ?» répéta la femme de charge. « Pas encore, LeCount, » répondit son maître. « Il me semble que je suis plus fort. Il me semble que je puis marcher encore un peu. » Puis, se tournant, la bouche en cœur, du côté de Magdalen, il ajouta presque à demi-voix. « La promenade, Miss Bygrave, vient de prendre à mes yeux un nouvel intérêt. Je doute qu'elle le conserve si vous nous quittiez. » Un sourire et un clignement d'yeux, hommage de l'auteur à son œuvre, accompagnèrent ce beau compliment que le capitaine Raig sut adroitement escamoter à l'attention de la femme de charge en allant se placer à côté d'elle et en lui adressant simultanément la parole. Tous les quatre marchaient d'une allure très lente. Mrs. LeCount n'ajouta plus rien. Serrant contre elle le bras de son maître, elle regardait de côté Magdalen et ses beaux yeux noirs avaient, plus marqué que jamais, leur redoutable expression de curiosité en éveil. Ce symptôme ne devait pas échapper à la prudence de Raig. Il fit passer de sa main gauche dans sa main droite le tabouret qui lui servait de télégraphe et ouvrit immédiatement le feu de ses batteries scientifiques. « Quelle activité, Mrs. LeCount ?» disait le capitaine, indiquant poliment de son tabouret la mer où passaient main et main navire. « C'est par là que l'Angleterre est grand, madame. » C'est là le secret de sa grandeur. Veuillez remarquer, je vous prie, l'énorme charge que portent quelques-uns de ces bâtiments. Je me demande souvent si le marin britannique se doute le moins du monde, quand il a mis sa cargaison à bord, à quel point l'opération qu'il vient d'accomplir intéresse l'hydrostatique. Si j'étais tout à coup transporté sur le pont d'un de ces navires, ce qu'a dû ne plaise, car le mal de mer me fait beaucoup souffrir, et si je disais à l'un des gens de l'équipage « Jack, mon ami, vous venez de faire une merveille. Vous venez d'appliquer la théorie des vaisseaux flottants. Quels grands yeux ouvrirait le vaillant compère? Et pourtant, de cette théorie qu'il ignore, la vie de Jack dépend absolument. S'il surcharge son navire, disons d'un trentième, qu'arrivera-t-il? Il passera devant Aldborough, je vous l'accorde, en toute sécurité. En toute sécurité, je vous l'accorde encore, il franchira l'embouchure de la Tamise. Mais qu'il s'avise de quitter l'eau salée, qu'il remonte par exemple jusqu'à Greenwich, et là, le voilà qui coule à fond. À fond, madame, tout au fond de la rivière. La science ne permet pas là-dessus le moindre doute. » Il s'arrêta là, ne laissant à la politesse de Mrs. LeCount d'autre alternative que de solliciter une explication. « Très volontiers, madame, » dit le capitaine, noyant sous les notes les plus graves de sa voix de basse le fossé débile qu'employait Mr. Noel Vanstone pour complimenter Magdalen. « Nous partirons, si vous le voulez bien, d'un premier principe. Tout corps quelconque qui flotte à la surface de l'eau déplace une quantité de fluide égale en poids à ce même corps. Fort bien. Nous tenons notre premier principe. Qu'allons-nous présentement en déduire? Ceci, bien évidemment, que pour maintenir un vaisseau flottant au-dessus de l'eau, il faut aviser à ce que ce vaisseau et sa cargaison soient d'un poids moindre que le poids d'une quantité d'eau. Ici, je vous prie, suivez-moi bien. D'une quantité d'eau égale en volume à cette partie du navire qu'on peut immerger sans péril. Maintenant, madame, l'eau salée est d'une pesanteur spécifique d'un trentième plus grande que l'eau fraîche, autrement dit eau de rivière. Et un vaisseau, dans l'océan germanique, ne s'enfonce pas autant que dans la Tamise. Conséquemment, lorsque nous chargeons notre navire pour l'envoyer au marché de Londres, nous avons, au point de vue hydrostatique, trois alternatives. Ou bien, nous nous privons du trentième en plus qu'il peut porter sur mer, ou bien, arrivé à l'embouchure de la rivière, nous le déchargeons d'un trentième. Ou bien, nous ne faisons ni l'un ni l'autre, et alors, comme j'ai déjà eu l'honneur de vous le faire remarquer, nous coulons bas inévitablement. « Tel est, » dit le capitaine, transférant le tabouret de sa main droite à sa main gauche pour indiquer que provisoirement l'érudition de Joyce était mise de côté. « Telle est, chère madame, la théorie des vaisseaux flottants. Souffrez que j'ajoute, par manière de conclusion, l'assurance du cordial bon vouloir que je mets à vous la communiquer. « Je vous remercie, monsieur, » dit Mrs. LeCount. « Vous m'avez attristé sans le vouloir. » Mais cela n'ôte rien à la valeur de vos enseignements. Il y a longtemps, bien longtemps, Monsieur Bygrave, qu'on ne m'a parlé le langage de la science. Mon cher époux m'associe à ses travaux. Mon cher époux développait mon intelligence, comme vous venez de chercher à la développer. Personne, depuis, n'a pris le moindre soin de m'instruire. Mille remerciements, monsieur. Vos égards, vos bontés, ne sont pas prodigués en vain. Humble et plaintive, elle soupira, puis secrètement, ouvrit l'oreille aux paroles qui s'échangeaient de l'autre côté. Une minute plus tôt, elle aurait entendu son maître s'exprimer dans les termes les plus flatteurs au sujet de Miss Bygrave et du charme qu'elle prêtait au négligé des bains de mer. Mais Magdalene avait vu le signal que lui donnait le capitaine Raig au moyen du tabouret et s'était hâtée de ramener Mr. Noel Vanstone par une question opportune sur sa maison d'Alborough à parler de lui-même et de ses propriétés. « Je ne voudrais pas vous alarmer, Miss Bygrave, » disait Mr. Noel Vanstone au moment où ses paroles attiraient l'attention de Mrs. LeCount. « Mais il n'y a dans tout Alborough qu'une maison parfaitement sûre, et c'est la mienne. La mer peut détruire toutes les autres. La mienne est à l'abri de ce désastre. Mon père a pris soin qu'il en fût ainsi. Mon père était un homme remarquable. Il avait fait bâtir ma maison sur pilotis. J'ai toute raison de croire qu'il n'y a pas en Angleterre un pilotis aussi solide. Rien au monde ne le saurait renverser. Peu m'importe ce que fera la mer, rien au monde ne le saurait renverser. Ainsi, disait Magdalene, la mer venant à nous envahir, nous aurions tous à vous demander refuge. Mr. Noel Vanstone, ici, vit jour à un nouveau compliment et du même coup, le rusé capitaine jugea opportun quelques nouveaux développements scientifiques. « Je souhaiterais presque une telle invasion, » murmurait le premier de ces messieurs, « puisqu'elle me procurerait le bonheur de vous offrir un abri. »« Je gagerais presque, » s'écria l'autre, « que le vent vient encore de changer. À qui pourrais-je m'en informer ?»« Ah, voici, batelier. Comment est le vent pour le quart d'heure ?»« Encore nord-nord-ouest. Et... » »« Et hier soir, il était sud-sud-ouest, pas vrai ?»« Y a-t-il rien de plus remarquable, Monsieur LeCount ?» que les variations du vent sous cette latitude, continua le capitaine, passant le tabouret du côté de la science. Y a-t-il un phénomène naturel qui doive embarrasser davantage la curiosité du savant? Vous me direz peut-être que l'abondance du fluide électrique répandu dans l'atmosphère est la principale cause de cette variabilité. Vous me rappellerez l'expérience de ce philosophe illustre, qui a mesuré la vélocité d'une tempête au moyen de petites plumes livrées au vent. Je ne contesterai, chère madame, aucune de vos propositions. Je vous demande mille pardons, monsieur, dit Mrs. LeCount. Votre bonté m'attribue un savoir que je n'ai pas. De telles propositions, j'ai le regret de le dire, sont plus que je n'oserais me permettre. Ne vous méprenez pas à mes paroles, madame, continua le capitaine, dont la courtoisie ne voulut tenir aucun compte de cette interruption. Mes remarques ne s'appliquent qu'à la zone tempérée. Transportez-moi sur les rivages intertropicaux. Transportez-moi dans ces régions où le vent souffle à la côte pendant le jour et la nuit souffle vers la mer. J'arrive aussitôt à des expériences concluantes. Par exemple, je sais que la chaleur du soleil pendant le jour, raréfiant l'air qui plane au-dessus de terre, détermine la formation du vent. Peut-être me demandez-vous une preuve. Je vous accompagne alors, sauf votre obligeante permission, jusqu'au bas de l'escalier des cuisines. Je prends des mains de la cuisinière son plus grand plat à tarte. Je le remplis d'eau froide, à merveille. Ce plat d'eau froide nous représentera l'océan. Je me procure ensuite un de nos accessoires domestiques les plus précieux, savoir un réchaud à eau bouillante. Je le garnis et je le pose au milieu du plat à tarte. Très bien encore. Le bassin rempli d'eau chaude jouera le rôle de la terre, raréfiant l'air à mesure qu'il passe dessus. N'oubliez pas ce point essentiel et donnez-moi une bougie allumée. Je tiens cette bougie au-dessus de l'eau froide et je la souffle. Immédiatement, la fumée se meut dans la direction du réchaud. Avant que vous n'ayez eu le temps de proclamer le plaisir que vous cause ce résultat, je rallume la bougie et je renverse toute l'opération. Je remplis d'eau chaude le plat à tarte et je mets de l'eau froide dans le réchaud. Je ressouffle alors la bougie et la fumée, cette fois, va du réchaud vers le plat. L'odeur est particulièrement désagréable, mais l'expérience est tout à fait concluante. Il replaça de nouveau le tabouret pliant et je tente à Mrs. LeCount un de ses sourires les plus insinuants. « Vous me trouvez bavard, madame, n'est-il pas vrai ?» lui dit-il avec son aisance, sa gaieté habituelle, juste au moment où la femme de charge tendait encore une fois l'oreille aux paroles échangées par les deux autres interlocuteurs. « Je suis émerveillé, monsieur, de l'étendue de votre érudition, » répondit Mrs. LeCount, qui commençait à étudier le capitaine avec une certaine perplexité. Mais jusqu'alors, sans la moindre méfiance. Elle le trouvait excentrique, même pour un Anglais, et peut-être un peu vain de sa science. Encore lui avait-il rendu l'hommage de s'en prévaloir auprès d'elle. Elle y était d'autant plus sensible que, depuis bien des années, elle avait vu accueillir sans trop de respect par les gens qui l'entouraient les témoignages de scientifique sympathie qu'elle accordait à la mémoire de feu son mari. « Avez-vous, monsieur, continua-t-elle après un moment d'hésitation, avez-vous étendu vos recherches jusqu'à cette branche de la science que feu Mr. LeCount cultivait plus particulièrement ? Je vous fais cette question, monsieur Bygrave, parce que s'il en était ainsi, je pourrais, toute ignorante femme que je suis, échanger avec vous quelques idées au sujet de l'espèce reptile. » Le capitaine Rigg était beaucoup trop avisé pour aventurer sur le terrain de l'ennemi sa science de fraîche date. Le vieux milicien secoua sa tête prudente. « Ce sujet-là, madame, dit-il, est beaucoup trop vaste pour un simple dilettante comme moi. La vie et les travaux d'un philosophe tel que fut votre mari, Mrs. LeCount, avertissent les hommes intellectuellement doués comme je le suis de ne pas se mesurer avec un géant. « Puis-je savoir ?» demanda le capitaine, frayant doucement la voie à ses rapports ultérieurs avec Seaview Cottage. « Puis-je savoir si vous possédez quelques reliques scientifiques du défunt professeur ?»« Il me reste son aquarium, monsieur, » dit Mrs. LeCount en baissant modestement les yeux. « Il me reste aussi un de ses sujets favoris, un petit crapaud exotique. »« Son aquarium ?» s'écria le capitaine, avec l'accent d'un vif intérêt tempéré par une certaine mélancolie. « Son aquarium et son crapaud. Souffrez, madame, que je vous dise carrément ce que j'en pense. Ce sont là des objets d'intérêt public. Et comme je fais partie du public, je ne crois pas être indiscret en manifestant la curiosité qu'il m'inspire. » Les joues lisses de Miss LeCount rougirent aussitôt de plaisir. Le seul côté faible de cette nature froide et cachée était la place occupée par le souvenir du professeur. L'orgueil qu'elle attachait au progrès dont il avait doté la science, la mortification qu'elle éprouvait à le voir méconnu hors de son pays, étaient des sentiments profonds et sincères. Jamais, sur le fragile autel de la vanité humaine, le capitaine Rigg n'avait brûlé plus à propos qu'il ne le brûlait aujourd'hui son encens bâtard et frelaté. « Vous êtes bien bon, monsieur, » dit Mrs. LeCount. « C'est mon heure et moi, que de rendre hommage au souvenir de mon mari. Mais telle bonté que vous mettiez à me traiter comme votre égal, je ne dois pas oublier que je remplis un emploi de pure domesticité. Je regarderai comme un vrai privilège de vous montrer mes reliques, mais il faut auparavant que j'en demande la permission à mon maître. » Elle se tourna vers Mr. Noel Vanstone, dans l'intention parfaitement sincère de lui adresser la requête en question. Mais elle était en même temps poussée, en vertu de cette complexité de mobile si fréquent chez les femmes, par la méfiance que lui inspirait déjà l'admiration de son maître pour Magdalene. « Pourrais-je, monsieur, vous adresser une prière ?» demanda Mrs. LeCount, qui avait d'abord attendu pour tâcher de saisir au vol quelques fragments de la causerie intime engagée dans son voisinage, manœuvre que, grâce au tabouret pliant, Magdalene avait pu déjouer en temps opportun. « Monsieur Bygrave est du petit nombre des gens de ce pays qui peuvent apprécier les travaux scientifiques de mon époux. Il a bien voulu me témoigner le désir d'examiner ma petite collection de reptiles. M'autorisez-vous à la lui montrer ?»« Bien certainement, LeCount, » dit Mr. Noel Vanstone avec affabilité. « Vous êtes une excellente créature, et je ne demande qu'à vous obliger. L'aquarium de LeCount, Monsieur Bygrave, est le seul aquarium d'Angleterre. Le crapaud de LeCount est le plus vieux crapaud du monde connu. Voulez-vous ce soir venir prendre le thé vers 7 heures ? Et obtiendrez-vous de Miss Bygrave qu'elle daigne vous accompagner ? Je voudrais lui montrer ma maison. Elle ne se doute pas, j'en suis convaincu, à quel point cette maison est solide. Venez, Miss Bygrave, venez examiner ma demeure. Vous prendrez un bâton pour heurter les murs. Vous monterez pour essayer les parquets en frappant du pied. Je vous dirai ensuite le prix qu'on a payé tout cela. » Il cligna d'un air rusé ses yeux dont les coins se plissèrent et trouva moyen de glisser encore quelques tendres paroles dans l'oreille de Magdalene, à la faveur des remerciements sonores que faisait retentir la basse formidable du capitaine. « À 7 heures, murmura-t-il, bien exactement à 7 heures, et venez, je vous en prie, avec ce délicieux chapeau. » Les lèvres de Mrs. LeCount se fermèrent par un mouvement de mauvais augure. Elle envisageait la nièce du capitaine comme une très grave compensation aux joies intellectuelles que la société du capitaine lui devait procurer. « Vous vous fatiguez, monsieur, » dit-elle à son maître. « Vous êtes dans une de vos mauvaises journées. Laissez-moi vous avertir d'y prendre garde. Laissez-moi vous prier de rentrer chez vous. » Heureux d'avoir fait sa volonté en invitant ses nouvelles connaissances, Mr. Noel Vanstone se montra docile au-delà de toute attente. Il avoua qu'il était un peu fatigué, et suivant de point en point l'avis de la femme de charge, reprit aussitôt le chemin de sa maison. « Prenez mon bras, monsieur. Prenez mon bras de l'autre côté, » dit le capitaine Raig, au moment où la promenade changea de direction. Ses yeux mi-partis, tandis qu'il parlait, jetèrent à Magdalene un regard expressif et l'avertirent de ne pas mettre à une trop rude épreuve, dès le début de leur relation, la patience de Mrs. LeCount. La jeune fille le comprit aussitôt, et malgré les assurances réitérées de Mr. Noel Vanstone, qui protestait n'avoir aucun besoin du bras offert par le capitaine, elle se plaça immédiatement auprès de la femme de charge. Mrs. LeCount, retrouvant sa belle humeur, reprit avec Magdalene la conversation interrompue naguère, en lui adressant, de toutes les questions imaginables, celle que les circonstances rendaient la plus embarrassante. « Je suppose, » disait Mrs. LeCount, « que les fatigues de son voyage ont empêché Mrs. Bygrave de sortir aujourd'hui. Aurons-nous le plaisir de la voir demain ?»« Je présume que non, » répondit Magdalene. « Ma tante est d'une santé fort délicate. » « Un cas fort complexe, chère madame, » se hâta d'ajouter le capitaine, prévoyant que les dehors de Mrs. Raig, si quelque accident venait l'obliger à se montrer, démentiraient de la manière la plus flagrante la dernière assertion de Magdalene. « C'est une souffrance nerveuse, dont le siège est au plus profond de l'organisme et qui ne se trahit par aucun signe extérieur. Ma femme, si vous vous bornez à la regarder, vous semblera la santé en personne, et pourtant, tel est le mensonge des apparences, j'en suis réduit à éloigner d'elle tout ce qui pourrait l'exciter. Elle ne voit pas de monde. Notre médecin, je le dis à regret, le lui interdit absolument. » « Que c'est triste, » dit Mrs. LeCount. La pauvre dame doit se sentir bien isolée, monsieur, quand vous êtes loin d'elle, vous et votre nièce. Non, répondit le capitaine. Mrs. Bygrave est par nature une femme sédentaire. Lorsqu'elle est en état de s'occuper, elle trouve dans son aiguille des ressources infinies. Arrivé à ce degré des explications qu'il voulait donner, et lorsqu'il eut à dessein tourné autour de la vérité qu'il dénaturait, pour le cas où la curiosité de la femme de charge la pousserait à s'enquérir de Mrs. Rigg, le capitaine réfréna sagement les démangeaisons de sa langue et s'interdit d'entrer dans d'autres détails. « Je compte beaucoup sur le bonheur de cette localité, » observa-t-il par manière de conclusion. « Ainsi que je vous le faisais remarquer, l'iodine fait des miracles. » Mrs. LeCount reconnut, aussi brièvement que possible, les incomparables vertus de l'iodine et se retira aussitôt dans le sanctum sanctorum de ses pensées. « Il y a là, se disait la femme de charge, quelque chose de mystérieux. Une dame qu'on dirait être la santé en personne, une dame qui souffre d'une maladie nerveuse très compliquée, une dame enfin qui, malgré cela, peut consacrer de longues heures à des travaux d'aiguille, constitue un amalgame vivant de contradictions auxquelles, en vérité, je ne saurais rien comprendre. « Devez-vous longtemps habiter à Aldborough ?» ajouta-t-elle à voix haute. Et ses yeux restèrent un moment fixés, curieux et pénétrants, sur le visage du capitaine. « Cela dépend tout à fait de Mrs. Bygrave, chère madame. Je me figure que nous passerons ici tout l'automne. Vous êtes, je présume, établie à Sea Cottage pour toute la saison des bains ?»« C'est une question, monsieur, qu'il faut faire à mon maître. La décision lui appartient et non pas à moi. » La réponse n'était pas heureuse. Mr. Noel Vanstone avait été secrètement contrarié par le changement de partenaire qui l'avait séparé de Magdalene. Il l'attribuait à l'influence tracassière de Mrs. LeCount et saisit la première occasion d'en témoigner sa rancune. « Je ne suis pour rien dans notre séjour ici, » s'écria-t-il d'un air mécontent. « Vous savez aussi bien que moi, LeCount, que sa durée dépend de vous. » « Mrs. LeCount a un frère en Suisse, » continua-t-il en s'adressant au capitaine. « Un frère qui est sérieusement malade. Si son état devient plus grave, il faudra bien qu'elle aille le voir. » Je ne puis ni l'accompagner, ni demeurer seul à la maison. Il faudra donc rompre mon établissement d'Aldborough et aller résider chez quelqu'un de mes amis. Si la décision dépendait de moi, continua Mr. Noel Vanstone, je passerai ici tout l'automne avec le plus grand plaisir. Avec le plus grand plaisir, répéta-t-il, accompagnant ces mots d'un tendre regard à l'adresse de Magdalene et leur donnant à l'intention de Mrs. LeCount un accent aigre-doux. Jusque-là, le capitaine Rigg était demeuré muet, notant avec soin à part lui les heureuses chances que pouvait avoir la séparation de Mrs. LeCount et de son maître, séparation que venait de lui faire pressentir le petit accès de mauvaise humeur auquel s'était abandonné Mr. Noel Vanstone. Le tremblement de mauvais augure qu'il remarqua sur les lèvres minces de la femme de charge, au moment où son maître, sans se gêner, initiait des étrangers aux affaires de famille qui la concernaient et bravait ouvertement sa jalousie, l'avertit alors que son intervention devenait indispensable. S'il laissait s'aggraver ce dissentiment domestique, il se pouvait fort bien que leur invitation à Sea View Cottage, obtenue pour le soir même, fût indéfiniment ajournée. Ce jour-là, comme d'habitude, au niveau de toutes circonstances, le capitaine Rigg appela une fois encore à la rescousse l'utile érudition dont il s'était pourvu. Sous les auspices de Joyce, il se précipita, la tête en avant, dans l'océan de la science, et en rapporta une troisième perle. Il haranguait encore, cette fois sur la pneumatique. Il déployait encore, pour développer l'intelligence de Mrs. LeCount, sa persévérance la plus courtoise et son éloquence la plus abondante, lorsque les promeneurs s'arrêtèrent à la porte de Mr. Noel Vanstone. Sur mon âme, monsieur, nous voici chez vous, dit le capitaine, qui s'interrompit au milieu d'une de ses définitions pittoresques. Je ne veux pas vous retenir une seule minute. Pas un mot d'excuse, je vous en supplie, Mrs. LeCount. Je vous expliquerai plus amplement ce curieux phénomène pneumatique dans quelque future occasion. D'ici là, je me borne à vous répéter que vous pouvez faire l'expérience dont je viens de parler, et le plus complètement du monde, avec une vessie, un récipient épuisé, une boîte de forme quadrangulaire. « Ce soir, à 7 heures, monsieur. »« À 7 heures, Mrs. LeCount. »« Notre promenade a été tout à fait agréable, et ces mutuels échanges d'idées constituent le meilleur moyen de s'instruire. Partons maintenant, chère petite. Votre tante nous attend. » Pendant que Mrs. LeCount se détournait pour ouvrir la porte du jardin, Mr. Noel Vanstone prit son temps et jeta du côté de Magdalene un dernier regard chargé de tendresse. Mais en s'abritant du parasol, dont il avait tout exprès débarrassé la femme de charge. « N'oubliez pas, disait-il avec son plus doux sourire, n'oubliez pas, en venant ce soir, de mettre ce délicieux chapeau. » Avant qu'il pût compléter cet adieu sentimental, Mrs. LeCount s'était de nouveau glissée à son poste, et le parasol protecteur changea de main immédiatement. « Excellente besogne, dit le capitaine Raig, tandis que Magdalene et lui revenaient ensemble du côté de North Shingles. « Vous, Joyce et moi, nous avons tous trois fait des merveilles. Une première journée de pêche nous a valu l'invitation la plus amicale. » Il attendait une réponse et, n'en recevant point, se mit à observer Magdalene avec plus d'attention qu'il ne l'avait encore fait. Le visage de la jeune fille était redevenu d'une pâleur mortelle. Ses yeux jetaient machinalement des regards où se peignait un désespoir insouciant et farouche. « Qu'y a-t-il donc ? » demanda-t-il, surpris au plus haut point. « Seriez-vous souffrante ?» Elle ne répondit rien. À peine semblait-elle l'avoir entendu. « Seriez-vous inquiète au sujet de Mrs. LeCount ?» lui demanda-t-il ensuite. « Ce serait là des alarmes sans le moindre fondement. » Peut-être croit-elle avoir entendu déjà une voix qui ressemble à la vôtre. Mais votre visage, bien évidemment, la déconcerte. Maintenez ce calme serein, et vous la maintiendrez, elle, dans les ténèbres. Maintenez-la dans les ténèbres. Et avant que l'automne s'achève, vous aurez fait passer dans mes mains les 200 livres promises. Encore une fois, il attendit une réponse. Encore une fois, Magdalene garda le silence. Le capitaine essaya une troisième manœuvre. « Auriez-vous reçu ce matin quelques lettres ? » continua-t-il. « Est-il encore arrivé chez vous quelques malheurs ? Votre sœur vous susciterait-elle quelques nouvelles difficultés ? » ?»« Ne prononcez pas le nom de ma sœur !» s'écria Magdalene avec un élan de colère. « Ni vous ni moi ne sommes faits pour parler d'elle. » Elle était sur le seuil du jardin quand elle articula ces paroles, et devançant le capitaine, elle se précipita seule dans la maison. Il la suivit et entendit se fermer violemment la porte de la chambre où l'avait couru se réfugier. Verrou sur verrou se poussait à grand bruit. Soulageant par un juron son âme indignée, le capitaine Raig entra d'un air mécontent pour voir où était sa femme dans un des salons du rez-de-chaussée. Cette pièce communiquait par une petite porte vitrée, avec une espèce d'arrière-cabinet plus petit et beaucoup moins éclairé. Le capitaine, arrivé sans bruit devant cette porte, souleva le rideau de mousseline blanche qui en masquait le vitrage et regarda ce qui se passait dans la pièce du fond. Là se trouvait Mrs. Raig, son bonnet tout d'un côté, ses 2 souliers en pantoufles, tout un rang d'épingles entre les dents. Devant elle, la robe de cachemire orientale qui peu à peu glissait au bas de la table et sur laquelle, d'une main, elle tenait suspendus des ciseaux indécis, tandis que, de l'autre, les instructions écrites par la couturière menaçait à chaque instant de tomber. Et la pauvre femme s'absorbait si bien dans les insurmontables difficultés de sa besogne que le regard scrutateur de son mari plana sur elle sans qu'elle en eût la moindre conscience. Dans d'autres circonstances, elle eût été bientôt rappelée par cette voix formidable que l'on connaît au sentiment de sa situation. Mais le capitaine Raig s'inquiétait trop de Magdalene pour perdre son temps à m'originer sa femme. Dès lors qu'il voyait celle-ci dans la retraite où il la voulait, et lorsqu'il n'était pas à craindre qu'elle en sortît. Il quitta le salon, et après un instant d'hésitation dans le corridor montant l'escalier sur la pointe des pieds, il alla plaquer son oreille inquiète contre la porte qui le séparait de Magdalene. Un bruit de sanglots étouffés fut tout ce qu'il put entendre. Il redescendit bientôt au rez-de-chaussée, et quelques vagues rayons de vérité commençant à poindre dans son esprit. « Que le diable emporte son amoureux !» pensa le capitaine. « Monsieur Noel Vanstone n'a pas manqué pour son début, d'évoquer ce dangereux fantôme.